Alors Baptiste, c'était comment votre sortie au zoo aujourd'hui ? Génial ! Nous avons vu plein d'animaux ! Ah mais raconte-moi un peu ! Tu as vu les tigres ? Non, pas les tigres ! Ils dormaient à l'intérieur et ne sont pas sortis pendant notre visite. Mais nous avons vu plein de singes. Il y en avait un qui faisait des grimaces. C'était rigolo. Et j'ai vu des tortues. Ah bon? Mais il y avait aussi un aquarium dans le zoo. Oui. Et le maître nous a expliqué qu'il y avait plus de 300 espèces de tortues et que beaucoup étaient menacées de disparition. Et que c'était à cause de nous, les hommes, parce qu'on ne protégeait pas assez leur habitat. Et il nous a expliqué aussi qu'il y avait des tortues terrestres et des tortues marines. Et tu savais que la tortue est apparue il y a plus de 200 millions d'années? C'était il y a longtemps, hein? Waouh, tu en as appris des choses. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Eh ben, dans l'aquarium, on a vu un énorme poisson qui nageait tout au fond de l'aquarium. Il est tout plat. Comment il s'appelle déjà? Une raie? Oui, c'est ça. Et il y avait aussi un bébé dauphin. Tu sais que le bébé dauphin est nourri par le lait de sa maman. Ah, et on a aussi vu un film. Un film? Un film sur les fonds marins. Il y avait plein de beaux poissons, plein de couleurs. Et ils ont dit, dans le film, qu'on devait changer nos habitudes pour protéger les océans. Par exemple, arrêter de pêcher certaines espèces. Et aussi, arrêter de... Dégrader l'état de l'eau. Parce qu'il y a trop de déchets dans la mer et les poissons pensent qu'ils peuvent en manger et après ils en souffrent. Ou ils meurent même. Moi, je veux protéger la planète. Je vais faire attention maintenant. C'est bien, mon chéri. C'est important.